La délégation de la santé publique de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le ministre de la santé publique Kang Ha-guk, a quitté le 5 novembre Pyongyang par vol pour la troisième conférence de haut rang de l'Asie-Pacifique en matière de droits des enfants, prévue à Kuala Lumpur, Malaisie.